La Corée dynamise la protection du patrimoine national. La Direction de la protection du patrimoine national projette cette année la reconstitution du palais royal d'Anhang, du temple Sowon, la construction du musée de Goguryeo et la reconstitution des dizaines d'anciens bâtiments et châteaux. Elle a sélectionné le musée de l'histoire de Sinijo de la province du Pyongan du Nord comme exemplaire et organise les échanges des expériences. Ensuite, elle s'efforce pour la protection des sites pittoresques et des patrimoines protégés par la loi. Elle généralise les expériences de maintenance d'une soixante-dizaine de sites pittoresques de la grotte de Songam dans les services d'entretien de sites pittoresques de tout le pays et améliore le niveau des guides. En collaborant étroitement avec les unités intéressées, les fouilles et inscriptions de plus nombreux patrimoines culturels immatériels sont promues aussi. De plus, elle continue les activités pour scientifiser la protection du patrimoine national. Elle accélère en phase d'achèvement l'établissement de la base des données informatiques de la géographie qui montre intuitivement le lieu géographique, l'origine historique et l'état de conservation du patrimoine national de tout le pays.